Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Marc. Ça vient du latin, hein, dédié à Mars, dieu romain de la guerre. Intériorisés, plutôt introvertis, les Marc sont réservés et secrets. Ainsi passent-ils aisément pour des êtres flegmatiques et parfois mystérieux. En fait, ils sont méfiants, timides, inquiets, prudents et ne s'engagent pas aisément. Enclins à l'introspection, ils pèsent, ils mesurent. Ils jaugent, mais une fois décidés, rien ne les arrête plus. S'ils sont nerveux et concentrés, ils sont également combatifs et actifs. Courageux et déterminés, avec un magnétisme certain, ils ressentent le besoin de se dépenser physiquement. La sphère financière et le monde des affaires ne les laissent pas indifférents. Ils sont droits, loyaux, énergiques et honnêtes et auraient même une vision un peu trop manichéenne de la vie. Ni souples, ni véritablement adaptables, ils sont peu tolérants. Stricts, autoritaires, ils détestent les flatteries. Leur sensibilité est plutôt refoulée et il s'abrite derrière une façade critique ou ironique. Dicton du jour, quand Saint-Marc n'est pas beau, pas de fruits à noyau. S'il pleut à la Saint-Marc, les guignes couvriront le parc. S'il pleut le jour de la Saint-Marc, point de pomme. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale du paludisme, journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental, journée de l'ADN, célébrant la découverte de l'ADN en 1953. En Australie, aux îles Cook, en Nouvelle-Zélande, au Samoa et Tonga, c'est la journée de l'Anzac. Aux îles Féroé, c'est la fête du drapeau. À Venise, c'est la fête de la ville. Et au Portugal, c'est la fête de la liberté. Et dans les événements qui se sont déroulés un 25 avril 1792, Rouget de Lille composait le chant de guerre pour l'armée du Rhin, précurseur de l'hymne national français, la Marseillaise. Et en 1935, avait lieu la première communication téléphonique autour du monde. Allez, tout de suite, première pause musicale avec ABBA et leur titre est Gimme, Gimme, Gimme. Please. bas sur RGM. Il est presque 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 25 avril. Et on commence en 1927 avec la naissance d'Albert Uderzo, auteur de bande dessinée français, créateur avec René Goscinny de la célèbre série Astérix. 1940, naissance d'Al Pacino, acteur américain connu pour son rôle de Michael Corleone dans la trilogie du Parrain, vu dans L'Épouvantail, Serpico dans le rôle de Frank Serpico, Scarface dans le rôle de Tony Montana, Heat, La Recrue dans le rôle de Walter Burke, Ocean's 13 dans le rôle de Willy Bank. Il sera bientôt à l'affiche de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino dans le rôle de Marvin Schwartz et du film The Irishman de Martin Scorsese où il interprétera le rôle de Jimmy Hoffa. Et on avait pu le voir également dans Le Temps d'un week-end où il avait été récompensé par l'Oscar du meilleur acteur. 1941, naissance de Bertrand Tavernier, réalisateur français à qui l'on doit Que la fête commence, récompensé par le César du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original ou adaptation. Le Juge et l'Assassin, César du meilleur scénario. Des enfants gâtés, La fille de D'Artagnan ou encore Ça commence aujourd'hui ou bien Quai d'Orsay. 1945, naissance de Björn Ulvaeus, musicien suédois, membre du groupe ABBA. 1946, naissance d'Andrei Zewerin, acteur français vu dans La femme de ma vie, Indochine ou encore La liste de Schindler. C'est également l'année de naissance de Talia Shire, actrice américaine connue pour son rôle de Connie Corleone dans la trilogie du Parrain ou encore son rôle d'Adrienne Pennino Balboa dans la saga Rocky. 1947, naissance de Jeffrey Demune, acteur américain connu pour son rôle de Dale Horvath dans la série The Walking Dead, vu également dans Chicago Fire ou encore Blacklist. 1956, naissance de Dominique Blanc, actrice française vue dans Mille ou un mai dans le rôle de Claire, récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Indochine dans le rôle d'Yvette, César de la meilleure actrice dans un second rôle. La reine Margot dans le rôle d'Henriette de Nevers. Ceux qui m'aiment prendront le train dans le rôle de Catherine, César de la meilleure actrice dans un second rôle. Ou encore Stand By dans le rôle d'Hélène, César de la meilleure actrice. 1964, naissance de Hank Azaria, acteur américain vu dans Pretty Woman, Heat, Godzilla dans le rôle de Victor Palotti, Dodgeball même pas mal, La nuit au musée 2 ou encore Les Schtroumpfs 1 et 2 dans le rôle de Gargamel. 1969, naissance de Renée Zellweger, actrice américaine vue dans Massacre à la tronçonneuse, La nouvelle génération, Jerry Maguire, Fou d'Irene dans le rôle d'Irene Waters, connue pour son rôle de Bridget Jones dans Le journal de Bridget Jones l'âge de raison et plus récemment Bridget Jones Baby, vue également dans Chicago dans le rôle de Roxy Hart, retour à Cold Mountain dans le rôle de Ruby Tewes, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. 1970, naissance de Jason Wills, acteur américain, connu pour son rôle de Colin Robbins dans la série Beverly Hills, son rôle de l'officier Maurice Boscorelli dans New York 911, vu également dans Esprit Criminel, American Wives, Castle, Les Experts Manhattan ou encore SWAT. C'est également l'année de naissance de Jason Lee, acteur américain, vu dans Ennemi d'État, Vanya Sky, Alvin et les Chipmunks 1, 2, 3 et 4 dans le rôle de Dave Seville ou encore la série télé Earl dans le rôle de Earl Hickey. 1980, naissance d'Alejandro Valverde, cycliste espagnol professionnel depuis 2002, ayant gagné le Tour d'Espagne 2009, ainsi que la Flèche Wallonne à 5 reprises en 2006, 2014, 2015, 2016 et 2017. On verra tout à l'heure que les deux dernières éditions ont été remportées par un Français. 4 éditions de Liège-Bastogne-Liège en 2006, 2008, 2015 et 2017, 2 critériums du Dauphiné libéré 2008 et 2009, les classements mondiaux UCI Pro Tour en 2006, 2008, l'UCI World Tour en 2014 et 2015, le classement mondial UCI 2018, championnat du monde sur route 2018, champion d'Espagne sur route 2008-2015, champion d'Espagne du contre-la-montre en 2014. Et ça ne s'arrête pas là, il avait remporté également le classement du combiné du Tour d'Espagne en 2003, 2009 et 2012, le classement par points du Tour d'Espagne en 2012, 2013, 2015 et 2018, et 16 étapes sur les grands tours, 4 sur le Tour de France, 11 sur le Tour d'Espagne et 1 sur le Tour d'Italie. 1981, naissance de Felipe Massa, ancien coureur automobile brésilien ayant fait carrière de 2002 à 2017, ayant participé à 269 Grands Prix de Formule 1. Il compte 11 victoires et était vice-champion du monde en 2008. 1982, naissance de Karine Ferry, animatrice télé française. 1984, naissance de Simon Fourcade, ancien biathlète français qui a pris sa retraite il y a quelques semaines maintenant. En championnat du monde, il compte une médaille d'or, 3 d'argent et une de bronze. Et il a remporté un petit globe de cristal, c'était celui de l'individuel. 1986, naissance de Daniel Sherman, acteur britannique, connu pour son rôle d'Isaac Lawi dans la série télé Teen Wolf, son rôle de Caleb Westfall alias Cole Michelson dans The Originals, vu également dans Les Médicis, maître de Florence dans le rôle de Lorenzo de Médicis. 1988, naissance de Sarah Paxton, actrice américaine, connue pour son rôle de Darcy Fields dans la série Darcy, vue également dans Code Black ou encore How to Get Away with Murder. 1990, naissance de Jean-Éric Vergne, pilote automobile français. De 2012 à 2014, il a effectué 58 Grands Prix de Formule 1. Il participe au championnat de Formule E FIA depuis 2014 et sacré champion lors de la saison 2017-2018. 1992, naissance de Brian Coquart, cycliste français, médaillé d'argent de l'Omnium aux Jeux Olympiques de 2012 et champion du monde de l'Américaine en 2015. 1993, naissance de Raphaël Varane, footballeur français qui de 2010 à 2011 a joué à Lens. Mais depuis 2011, il joue au Real Madrid, club avec lequel il a remporté en 2018 sa 4e Ligue des Champions, ce qui constitue le record absolu pour un joueur français. 1996, naissance de Miguel Herrán, acteur espagnol qui incarne Hannibal Cortés dit Rio depuis 2017 dans la série à succès La Casa de Papel. En 1975, décédé Mike Brandt, chanteur israélien. En 1995, décédé Ginger Rogers, actrice danseuse américaine qui a formé jusqu'à la fin des années 40 un duo de cinéma mythique avec Fred Astaire. On avait pu la voir par exemple dans Un hurlement dans la nuit, La fille de la 5e avenue ou encore Chérie, je me sens à rajeunir. En 2002, décédé Lisa Lopez, chanteuse américaine du groupe TLC. Hier, nous avons appris le décès de Dick Rivers le jour de ses 74 ans. Il était malade. Et nous avons appris également le décès de Jean-Pierre Mariel, âgé de 87 ans. Acteur français, vu par exemple dans Le Grand Bluff, Toute folle de lui, Le Da Vinci Code ou plus récemment dans le film Les Seigneurs. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec Mike Brandt et son titre « Laisse-moi t'aimer ». Laisse-moi t'aimer toute une nuit, laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps quand je te vois. Mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh, oh, oh, l'amour des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le poisson meurt sans l'eau de la rivière. Aussi vrai que nos corps sonnaient de la poussière. Soleil et mon eau vive, laisse-moi t'aimer. Mike Brandt, laisse-moi t'aimer sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h48 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Alors ce matin, nous avons quelques éclaircies mais également des averses de pluie et ça va être comme ça tout au long de la journée avec de la pluie de plus en plus accentuée au fil de la journée. Des températures comprises entre 7 et 9 degrés ce matin, entre 18 et 20 degrés pour cet après-midi. Vendredi sera une journée mitigée, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés prévues pour demain après-midi. Samedi sera encore une journée mitigée, des températures qui vont diminuer, en tout cas pour la après-midi. Pour samedi matin, ce sera compris entre 7 et 8 degrés et pour samedi après-midi, entre 9 et 10 petits degrés. Voilà pour la météo et on file tout de suite vers l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le tennis et le tournoi de Barcelone. À noter le forfait de Fabio Fognini. Lucas Pouille s'est incliné en 2-7 face à Ferrer, 6-3, 6-1. Benoît Paire s'est qualifié en 3-7 face à Carreno Busta, 6-4, 6-7, 6-1. Gilles Simon, lui, s'est incliné face à McDonald en 2-7, 6-3, 6-2. Et la qualification de Nadal en 3-7 face à Mayer, 6-7, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Peya. Nadal sera opposé à son compatriote Ferrer et Dominic Thiem affrontera Mouniard. À Budapest, qualification d'Herbert en 2-7 face à Bachinger, 7-5 à 6-2, il ne joue pas aujourd'hui. À Istanbul, qualification de Mladenovic en 2-7 face à Yastremska, 6-3, 6-4. En revanche, élimination de Pauline Parmentier en 2-7 face à Rybakina, 6-0, 6-4. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Kozlova. Et à Stuttgart, il n'y a plus de Françaises déjà en compétition puisque Caroline Garcia s'est inclinée en 2-7 face à Kontaveit, 6-3, 6-4. Un mot de cyclisme avec la Flèche Wallonne et la victoire hier de Julien Alaphilippe pour la deuxième année consécutive. C'est une grande première pour un cycliste français. En football féminin, l'Olympique Lyonnais a été sacré champion de France pour la 13e fois consécutive. Bravo les filles. Et un mot de basket avec la NBA et les playoffs. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert est éliminé après sa défaite hier soir face à Houston 100-93. Houston remporte la manche 4-1. Cette nuit, 9 petits points et 10 rebonds pour Rudy Gobert. Et on termine avec du hockey sur glace. L'Épinal Hockey Club se remet seulement de ses émotions de ce sacre ce week-end de champion de France de Détroit et d'accession donc à la D2. Mais il va falloir vite donc se remettre puisque l'EHC sera au tribunal aujourd'hui où il y sera décidé si on poursuit l'activité avec étalement de la dette, une liquidation ou encore une décision de mise en délibéré. Et oui, c'est encore les restes de l'ère Guémio qui se fait encore ressentir, mais nul doute qu'avec l'administration de l'EHC très sérieuse, ça va bien se passer aujourd'hui au tribunal. En tout cas, on le souhaite. Allez, c'est tout pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec les TLC et leur titre Creep. Yes, it's me again, and I'm back. Ooh. giving love until the day he pushes me away. Never go astray. If he knew the things I did, he couldn't handle it. And I choose to keep him protected. Avec leur titre Creep sur RGM, un peu plus de 8h56, si c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. À 11h30, ce sera Mika qui nous parle du journal Tellement Vu. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 16h, Les Années Bonheur avec Gilou. 20h, Jukebox. 23h, Rock à la Casbah. Et on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.